marge et des bitches élimine ça c'est dit. Je débarque pas sur le chromie pour un son pas crédit. Je sais que je vivrai pas encore longtemps des acédiques. Mais ta vodka prépare encore un son qui casse des briques. C'est la vie de la ville qui te saoule et qui t'enterre. Donc il faut que l'on se batte pour occuper cet enfer. Parce que nos yeux voient plus le jour comme si l'on tirait cet enfer. À chaque fois que tu t'évades de ta l'équipe qui t'enferme. Ma force d'être seul reste accoudé au bar. J'ai pas trouvé les bonnes solutions pour éviter les gros balles. J'ai le moral dans les godasses, mais ce sont la tête des gauches droites pour s'en sortir. Il est trop tard donc évite de faire les gros bras. Dans ce monde tout est lié. Cannabis, garde à vue, ça t'attriste. Car t'as vu que le vice, catapulte qui t'a vivre à la rue. Canalise, car t'as vu normal, ça veut les prises. Il faut que je dise, ça t'a la vie à la rue. Passe les munitions, le crâne en ébullition. Tu craques à la vue du sang, je dépasse le mur du son. Toi ça va trop vite, même à l'écoute, les gars résistent. Sont des fausses comme la résine, d'où t'étonnes pas si ça grésille. Passe les munitions sur le crâne en ébullition. Tu craques à la vue du sang, je dépasse le mur du son. Tracez l'âge, compte, c'est l'âge, et lâcher la pression d'être en retard. Et serait peut-être temps de passer la seconde. Passe les munitions sur le crâne en ébullition. Tu craques à la vue du sang, je dépasse le mur du son. Toi ça va trop vite, même à l'écoute, les gars résistent. Sont des fausses comme la résine, d'où t'étonnes pas si ça grésille. Passe les munitions sur le crâne en ébullition. Tu craques à la vue du sang, je dépasse le mur du son. Tracez l'âge, compte, c'est l'âge, et lâcher la pression d'être en retard. Et serait peut-être temps de passer la seconde. C'est la mélodie des couches tard des insomniaques qui n'écoutent pas les lois et qui vient t'assommer comme un coup de barre. Cette vie le mec me demande pas comment pourquoi. Je suis comme un serveur, j'attends que le moment pour boire. Quand t'entends des cris, c'est là qu'on voit que le mal domine. C'est nos cerveaux qu'on atomise. Vas-y, resserre nos verres au vide. Et d'un seul coup, tout va d'office. Toujours à l'aise comme Varsovie. On a du mal à faire nos vies. On veut la main comme un double. Tous les connards se valorisent. Et d'un vodka, garde le rythme. Et sur le beat, ça va faire mal comme la balle d'un va de l'orif. Il suffit que je pose un texte et tous les filles rapides qu'on ont répondu tard. J'ai pas de profil avec ma clique tapis dans l'ombre. Je pense mes plaies sans des plaires. Tant des perfs en attendant que la zig tend des perches. Il nous manque une case dans nos têtes. Comme au sud au cou, la France est comme une fontaine. Si tu la baisses, t'es mouillé jusqu'au cou. Passe les munitions sur le crâne en ébullition. Tu craques à la vue du sang, je dépasse le mur du son. Toi ça va trop vite, même à l'écoute, les gars résistent. Sont des fausses comme la résine, d'où t'étonnes pas si ça grésille. Passe les munitions sur le crâne en ébullition. Tu craques à la vue du sang, je dépasse le mur du son. Tracez l'âge, compte, c'est l'âge, et lâcher la pression d'être en retard. Et serait peut-être temps de passer la seconde. Passe les munitions sur le crâne en ébullition. Tu craques à la vue du sang, je dépasse le mur du son. Toi ça va trop vite, même à l'écoute, les gars résistent. Sont des fausses comme la résine, d'où t'étonnes pas si ça grésille. Passe les munitions sur le crâne en ébullition. Tu craques à la vue du sang, je dépasse le mur du son. Tracez l'âge, compte, c'est l'âge, et lâcher la pression d'être en retard. Et serait peut-être temps de passer la seconde.